Estamos de regreso con ustedes y para continuar nuestro camino en el tren tendrá el gusto de presentar de nuevo a Celine Dion, quien está con nosotros durante todo el viaje de hoy. Y ella cantará Avec toi. Hoy no vamos a tener la clase de francés porque porque sabemos que ya estamos de vacaciones, las personas no están, los alumnos se fueron, no hay nadie, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo tengo cuatro alumnos míos que dicen, ah, profe, yo voy a Phoenix, yo voy a Tijuana, yo voy a Tucson y hoy al DF, entonces ya, qué bueno. Okay. Si yo podría hacer como ellos, ¿eh? Uh-huh. Dice, por favor, ponme en tus maletas. Dice, no, profe, tú eres muy no grande. Cabe. No cabe, no cabe. Ok, esperamos que disfruten sus vacaciones de verdad. Bueno. Que sea listo para regresar el 6 de abril para nosotros, ¿eh? Ajá. Porque es sábado 6 de abril, ¿eh? Sí. Ok, escucharemos a Celine Dion, Avec toi. Descends de ton fil, toi l'artiste heureux, toi le doux Pierrot. C'est tout un autre monde que tu vois, à tout regarder d'en haut. Non, je ne suis pas la princesse en bleu de ton bois dormant. Tu le vois, je suis bien réelle. Et je veux de toi pour un an. Avec toi, je veux caresser la vie. Je veux dévorer les plus beaux fruits. Je veux pleurer aussi. Avec toi, je veux partager mes nuits. Je veux embrasser ciel de nuit jusqu'à mon dernier cri. Tu rêves debout et tu restes pur au milieu des loups. C'est pour ça que je t'aime malgré moi et tu m'aimes malgré tout. Non, je ne suis pas la sagesse même. Et mes sentiments ne sont pas faits que d'innocence. Ils sont faits de chair et de sang. Avec toi, je veux caresser la vie. Je veux dévorer les plus beaux fruits. Je veux pleurer aussi. Avec toi, je veux partager mes nuits. Je veux embrasser des ciels de lit jusqu'à mon dernier cri. Au nom de l'amour, je voudrais te voir faire des folies. Renoncer à toi-même et quelquefois bousculer l'ordre de ta vie. Mais je t'aime trop pour te perdre un jour. Alors je te dis que si toi tu veux rester sage, je serai sage moi aussi. Je serai sage moi aussi. A veces yo me paro un momento al frente de la computadora a meditar, o mejor reflexionar, sobre la cantidad de información que tiene esa pequeña máquina, ¿eh? Lo mejor es que la computadora tiene para todo. Uno a veces utiliza las cosas sin pensar de dónde viene y por qué están aquí. como yo soy un poco incrédulo sobre muchas cosas, porque a mí me gusta ver para creer, y es contra lo que se llama la fe. Pero tenga una razón, yo personalmente soy así, y que hay tantas fraudes, tantas manipulaciones en las cosas abstractas que rodean nuestra vida. Me gusta hacer mis propias experiencias y no escuchar a alguien que me dice, oh, haz eso y tú verás. No, no. Yo sé que las cosas las más difíciles por un ser humano es de pensar. Es muy duro y muy difícil. Entonces, sigue el rollo de la primera persona que le dice, ven por aquí, vete por allá, por la izquierda, a la esquina. No, no, yo no soy así. ¿Ok? Yo digo eso por la gente que esperan que otra gente haga sus paz. ¿Ok? Por favor, sin saber, debes saber que la paz es personal. Nadie te puede hacer feliz. Ni tus hijos, ni tus maridos, ni tus abuelos y abuelas. La paz es individual. Nadie te puede hacer feliz. Y para corroborar lo que yo acabo de decir, pregunta a sus amigos, ¿ok? Cerca, una simple pregunta. ¿Por qué amas a tu esposo? ¿Por qué amas a tu mujer? ¿Por qué amas a tu hijo? ¿Por qué amas a fulanito o a fulanita? Tú vas a ver. La respuesta será, seré siempre. Él me quiere, él me trata bien, él me respeta, él se ocupa de los niños y todo. Siempre va a ser eso. Él es guapo o guapa, depende. 90% va a ser razones materiales. Y siempre con el pronombre refiero que me. Siempre el me. Hasta, ¿ok? Escucha bien. Haz esa experiencia durante las vacaciones. Es la tarea que yo dejo a ustedes para reflexionar en esta época de Pascua. ¿Ok? Gracias. Y ahora seguiremos en el tren hoy con Claude, que va a nos interpretar Le Chant des Solitaires. Des nouvelles, mais ne dis rien. Non, ne dis surtout rien d'elle, rien de rien. C'est pour tous les solitaires que je chante cet air-là. Ils sont des milliers sur terre. Ce soir, je suis de ceux-là. Ses lettres et ses je t'aime. Je ne sais pas comment, mais je m'en sortirai. Et je n'aimerai plus, non, plus jamais. C'est J'ai rejoint le rang des solitaires. Ceux qui marchent seuls, qui dorment seuls. Ceux dont la mémoire tourne à l'envers. J'ai rejoint le rang des solitaires. À l'époque où Céline Dion chantait, elle n'avait que 17 ans, je crois. Elle était au début de sa carrière. Yo no sé si ustedes conocen un poco de la vida de ella. Si ella está donde está ahorita, es por un señor que ya bien mayor, que la descubrió por primera vez y pensó que era una muchacha estrella. Él fue su manager y él se llama René Angil. Inmediatamente tuvo fe en ella, en su capacidad de cantar. Él no tenía dinero, así que hipotecó su casa para financiar su primer álbum. Imagínate, el señor quería tenía tanta fe en Celine, tomó una hipoteca en su casa. Y estaba casado, ¿eh?, cuando él hizo eso, ¿eh? ¿Ok? Y para ayudar a Celine, ¿eh? Uh-huh. Él fue su manager, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bueno, en 1990 lanzó al mercado Unison, su primera producción en inglés, que la estableció como una artista pop prometedora. En Norteamérica, ¿eh? Sí, en Norteamérica. Y en otra parte del mundo anglosajón. Sí, anglosajón. Anglosajón, ay, qué uh-huh. palabra, ¿eh? Okay. Anglosajón, en francés, anglosaxón. Sí. Oui, anglosaxón. Ok, después ellos se casaron. Yo digo siempre, cuando la vida te da un sobre sellado, tómalo, nunca digas no, porque nunca sabes lo que hay adentro. Exactamente, es sorpresa. Ajá. Puede ser una buena, siempre es buena. Cuando el universo te da algo, siempre el universo te da algo bueno. Lo que tú haces de lo que te da es otro rollo. Pero siempre el universo te va a regalar algo que tú quieres, que tú necesitas algo. Siempre. Pero nosotros siempre cambiamos las cosas. ¿Ok? Ok, entonces vamos a escuchar la canción que se llama 3h20. Sí. Mi mamá siempre dice algo que nunca voy a olvidar. La suerte toca a tu puerta Una sola vez. Y después tiene que esperar 360 grados para que regresar otra vez. Porque la vida es de 360 grados. Cuando te pasa algo al frente, tiene que dar el torno hasta que regresa a 360. Pero es otro rollo. Vamos a escuchar mejor 3h20 de Céline Dion, ¿eh? Je t'ai dit non, ça ne voulait rien dire. J'avais encore très peur hier. Il me fallait le temps de réfléchir. J'étais encore bien jeune hier. Mais ne fais pas cette tête. Tout ira bien, tu le sais. Puisqu'à la fin où tu vas, je vais. On part ensemble, ok, c'est décidé. Tu veux m'emmener loin d'ici. Tout est prévu, tu as tout arrangé. Pour demain dans l'après-midi. J'ai mes parents qui m'attendent. Ne t'en fais pas, je viendrai. Puisque toujours où tu vas, je vais. Je viendrai. Et je le reste. Oui, c'est le titre de la prochaine chanson de Claude cet après-midi dans le train de la musique. Arrivederci Roma. Dimelo, por favor. Cállate, profe. Hein? Yo no voy a decir nada ya. Sí. ¿Cómo tú dices cállate en français? Tais-toi. Yeah. En français, on dit tais-toi ou taisez-vous. Hay otro que me dijo una maestra que es bouclez-la. No, bouclez-la es muy ruda. Si una maestra te dice eso... Bueno, no me acuerdo quién fue. Ok, sí. Pero si una persona... Si yo te digo bouclez-la, es muy grosera. No, tú no puedes decir. Tú puedes decir una persona... Ok, tais-toi un segundo, tais-toi un minuto. Es taisez-vous. Pero si tú dices bouclez-la, es como tú dices en inglés, shut up. Ok? O cállate. No, es muy rudo. Bouclez-la. Oh. Ok. Écoutons la chanson Je suis Rital et je le reste. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Arrivederci Roma. J'aime les amandes de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome et tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies, de vos automnes et de nos nuits, et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Et comme nous approchons de 5 heures, il va être l'heure pour nous de nous séparer et vous dire bonsoir. Pour le prof et moi, nous vous souhaitons une très belle après-midi, une très bonne semaine, une bonne fin de semaine, de dimanche. Et surtout, ne changez pas de poste. Restez branchés sur la 800 VAM. Ou la 89.3 FM. Les deux fréquences sont très intéressantes. Il y a des gens qui aiment la 821M, il y a d'autres qui aiment la côte 89.3. También por internet. Ah si, por internet. www.radioudo.tech. Ah, tu écoutes aussi sur internet. Si. Oh, ta cousine à Campeche. Ah si, elle écoute. Mon frère l'écoute à New York, mon fils l'écoute à Sacramento, ma fille l'écoute en Haïti, j'ai une amie qui l'écoute à New York, j'ai une autre amie qui l'écoute à Miami. Non, je suis très populaire dans le monde étranger. Donc alors, ne changez pas la fréquence sur votre petit écran, ok? Ok. Je suis Alejandra Trasviña Galavis, con mi profe Daniel Fouché, qui s'unira à moi pour vous dire à tous bonsoir et à la semaine prochaine. Oh, joyeuse Pâques, hein? Joyeuse Pâques, il faut dire joyeuse Pâques. Mm-hmm. Ok. Felices Pascua. Si, en Felices français, on dit joyeuse Pâques. Mm-hmm. Ok. Bye bye, à dimanche prochain. La maison dans la colline, je la bâtirai pour toi. La fougère et l'aubépine, la menthe et le réséda. Et comme dans la maison dans l'île, les plafonds y seront bas. Tu verras, tout sera facile, loin de tous ces combats. La na na, la na na. Na na na, la cuisine en pavé bleu, et puis la table en croix. Ils aimeront tous tes yeux, tout sera comme chez toi. Les fenêtres souriront sur la mer en contrebas, et s'il n'y a pas de moutons, il n'y aura pas non plus de soldats. La maison d'Irlande, elle ressuscitera sur une forte pente. On la reconstruira. La maison d'Irlande,